Puis trop engintin, dire d'un gamin mason, touche à chat ne sert à rien, et dire que le puni de faux. Adieu au jour, ma compère, dit qu'il ne sera plus filetier. Tous les jours, il s'exerce à faire un autre métier. Espérons que misère ne dure à point, tout dit, ça finira, j'espère, et puis la guerre nous sort ben aplati. J'ai ma cousin Grégoire qui a beau inventer d'aller 20 à la fois, toutes sortes de petits pâtés. J'ai malheureux tout de même, il fait jour point ses frères pour y faire semaine. Il ne peut point y arriver. Espérons que misère ne durera point, on dit. Ça finira, j'espère, et puis la guerre, nous sommes bien rabattis. J'ai aussi ma compère, par un artisan. Y a beau essayer de faire des petits moulins à vin, mais l'argent est si rare qui ne les a point vendus. Puis je tends la main moutarde chez la belle Chacha qui joue. Espérons que misère ne durera point, on dit. Ça finira, j'espère, et puis la guerre, nous sommes bien, bien rabattis. Y'a quelques mots, mon voisin, il ne trouve à rien de plus bio. À bonne heure en matin, les femmes d'un taux d'étoigne, elle veille en sididale, j'ai trop sentimental, je ne quantité. Espérons que misère ne dure à point, on dit. Ça finira, j'espère, et puis la guerre, nous sommes bien rabattis. Y'a encore un plus drôle qui m'a dit l'auteur joue. Je ne sais que main jouer main rôle pour apprendre le tambour. Mais quand il a su faire, il est tout désolé. N'importe pour que l'affaire, on le demande au jamais. Espérons que l'hiver ne durera point ton lit. Ça finira, espère, et puis la guerre nous sert bien rabattu. Un hôte avec espoir, il se met marchand marron. Et tous les jours en soir, ils prépareront bidon. Je n'ai qu'une petite bêtise, mais fine aux mains n'est point bon. Et comme marchand, il a été marron. Espérons que misère.